L'agence télégraphique centrale de Corée a publié un commentaire titré « Les cris de détresse ». Il indique notamment « Le journal Wall Street Journal, qui représente les conservateurs de droite des États-Unis, a écrit absurdement le 27 mars qu'il faut définir comme objectif politique évident le remplacement du pouvoir pour empêcher le développement des armes nucléaires de la République populaire démocratique de Corée et discuter de ce problème avec un certain pays. » C'est un dernier expédient propre à ceux qui sont vaincus du tout au tout sur le plan stratégique dans le cadre de la politique nord-coréenne. Pour nous, ce n'est que des cris de détresse de ceux angoissés devant la puissance nationale de notre République, toujours victorieuse. Les États-Unis nous ont menacés en permanence avec les armes nucléaires en s'attachant à la politique d'hostilité anachronique, et c'est ce pays qui nous a poussés à l'armement nucléaire, au développement continu des armes nucléaires, au développement de la bombe à hydrogène et à la détention des ogives nucléaires standardisées. À chaque conduite répugnante des États-Unis et de leurs suivistes qui mettent en cause nos armes nucléaires de la justice, nous réalisons plus combien juste est notre effort pour renforcer les forces armées révolutionnaires autodéfensives axées sur les forces armées nucléaires. Nos forces armées révolutionnaires brûlent de la détermination de frapper par les armes nucléaires les États-Unis et leurs suivistes qui tentent le remplacement de notre pouvoir. Le journal américain fera mieux de renoncer à la chimère de faire quoi que ce soit contre notre dignité suprême et de trouver un moyen d'éviter la ruine de son pays.